Je suis né dans une ville pleine d'amour, tout descend dans le 12e au grand jour. Mais j'ai grandi dans un quartier où les jeunes faisaient des habitants des prisonniers. Car ceux-là avaient peur de se faire arrêter en sortant devant chez eux, devant leur palier d'entrée. Je sais que c'est triste de raconter mes soucis, car de nos jours le sourire est difficile quand on grandit. Donc j'ai rassemblé mes émotions dans mon stylo. Regardez-moi, je ressemble à Picasso devant son pinceau. Est-ce mon passé qui me poursuit, mon avenir qui se construit? Faut que je demande à celle qui m'a donné vie. Mon enfant c'est un doux souvenir, c'est dans l'album photo que je cherche les anciens sourires. Pourquoi Marseille se transforme en champ de bataille? Les jeunes croient qu'en la violence ça donne des médailles. Ils détruisent le toit du peuple marseillais, comprenant-ils les jours qui vont le regretter? Les jeunes effacent les traditions peu à peu, ils se brûlent avec leurs propres feux. Mais si la jeunesse n'a trouvé que la violence pour signaler sa détresse, on ne peut plus les écouter mais les supporter. Il suffirait d'une guerre pour obtenir un minimum de tendresse. Mon quartier n'a plus le même visage d'il y a quelques années. C'est devenu ici une clause de violence dont on est tous inspirés. Est-ce que les jeunes qui veulent s'imposer savent l'histoire du peuple marseillais? Je suis prêt à vous la raconter. C'est à moi si ça va Jésus-Christ que des marais grecs ont construit Marseille. La Salia surnommée cité phocéenne. Maintenant cette ville à mon goût a trop de haine. Je vois cette feuille se remplir de peine. Mes larmes remplacent l'encre de mon stylo. Certains disent que je suis né avec un micro, mais maintenant j'ai 16 ans, je suis le bilan, c'est inquiétant. Je voulais que cette chanson soit innocente. Désolé si ces paroles sont émouvantes. Mon enfance est perdue du souvenir, c'est dans le bon photo que je cherche les anciens sourires. Pourquoi Marseille se transforme en champ de bataille? Les jeunes croient qu'un volant ça donne des médailles. Ils détruisent le toit du peuple marseillais, comprenant-ils le jour qu'ils vont le regretter? Les jeunes effacent les traditions peu à peu, ils se brûlent avec leur propre feu. Faut que j'extériorise cette enfance, c'est troublante. Ma dernière image de Marseille n'est pas très souriante. Mes larmes ont noyé mon espoir de voir renaître la ville de mon enfance. Marseille devient une ville si noire, sa beauté est aspirée par la délinquance. Ils disent tous que le bonheur dépend de la chance, mais comme dit Fufu dans Nouvelle Naissance, y'a que les vrais qui construisent même leur danse. Entre paix et violence, ne vous trompez pas de sens. Le rap est mon seul symbole qui fasse les dérapages marqués dans le chemin par derrière mon épaule. Qui soit de mes cicatrices de l'école, moi qui croyais que cette ville pouvait me donner des ailes pour que je m'envole. Elle m'a donné tant de galères, de longues traversées en solitaire, beaucoup de galères et rarement de quoi être fier. Mais pour moi, Marseille reste un de mes repères. Peut-être que j'étais petit, mais j'ai compris. Mon enfance c'est un vieux souvenir, c'est dans le bon photo que je cherche des anciens sourires. Pourquoi Marseille se transforme en champ de bataille? Les jeunes croient que la violence a donné médaille. Ils détruisent le toit du peuple marseillais, comprenant-ils les jours qui vont le regretter? Les jeunes effacent les traditions peu à peu, ils se brûlent avec leur propre feu.